L'agence de presse TASS, la radio Sputnik et les masses médias d'Internet comme Rimchichi et Newsroom.com, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, le journal égyptien Al-Misri Al-Yaoum, l'homepage Internet brésilien Marcha Verde et l'homepage Internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du Comité national d'études et des déjoutés du Congo démocratique ont rapporté du 30 mai au 2 juin la réponse à la question de l'Agence télégraphique centrale de Corée du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères au sujet de la déclaration commune publiée par les États-Unis et leurs suivistes au sommet des sept pays pour accuser à tort et à travers la République populaire démocratique de Corée.